Bienvenue sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel. Et se retrouve à 13, émission LDT. L'émission LDT aujourd'hui jusqu'à 16h. Et comme d'habitude, tous les vendredis jusqu'à 16h, l'air du temps. Avion sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu. Assim sem você, por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amar. seu novo rapaz. Abre-nos de as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. Eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Avec Adriana Calcanho, c'est un bonheur. Muchas gracias, gracias mille, arrivato, sei massa. Futuros amantes. Adriana Calcanho, elle vient, il y a un nouveau travail, donc on s'y intéresse, c'est dans l'air du temps, elle d'été, aujourd'hui jusqu'à 16h. Não se afobe nunca, nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, no fundo de armário, na posta restante. Pra você. Suas coisas, sua alma, desvãos. Contos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe, não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber. O amor que eu um dia deixei pra você. Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous écoutez LDT, l'émission L'Air du Temps. Aujourd'hui, 23 octobre 2020, en 1872, nous quittait un poète français, Théophile Gautier. Et en 1907, nous quittait une grande, grande fadiste, Irminia Silva. Mais arrivé en 1923, un compositeur nord-américain, Ned Horan. En 2013, nous quittait à 72 ans, J.P. Mayo, alors un grand, grand guitariste. Alvin Stardust, une légende du rock britannique, s'en allait en 2014. Il nous reste 69 jours pour terminer cette année 2020. Noël approche. Et voilà, on va tourner autour de ces dates. Restez avec nous. Un résumé sur la vie de Théophile Gautier, par exemple. L'influence française dans l'œuvre, dans la musique de Ned Horan, pourquoi pas. Et ben voilà, de la musique portugaise et pas seulement. Cette émission, voilà, qui débute à 14h, ce sont nos love stories, nos histoires d'amour culturelles. On commence normalement à 14h30 avec un qui est qui que l'on aura comme ça imaginé dans la semaine. On aura un moment poésie de vers 14h45, voilà, un moment poésie, les tendanciels, l'art du temps qui est dans l'air du temps, voilà, un artiste qui est moins connu, dont on va parler, et nous terminerons cette émission vers 16h. Bien sûr, nous débutons le week-end ensemble, presque, hein, parce que si nous sommes vendredi, la semaine n'est pas encore terminée, mais elle est presque terminée. Et voilà, le week-end qui arrive. Et nous avons, paraît-il, en ce moment, un petit peu plus de temps que d'habitude. Hein. Vous avez certainement entendu parler, on n'a pas échappé ici dans la région à l'alerte maximale. Alors une bonne raison pour écouter de la musique et rester à écouter cette émission tranquillement, l'air du temps qui a été concocté pour vous, et en pensant quand même au bien-être au quotidien, 10 idées très très simples et efficaces pour le bien-être physique et mental au quotidien. Ne pas oublier de boire beaucoup d'eau. Alors l'eau chaude avec du citron, du gingembre, les infusions de plantes sont à privilégier au thé et au café. Qui l'aurait cru ? Je suis sûre que nous le savons tous, mais voilà, on aura peut-être un peu plus de temps pour penser à nous et être présent. Voilà, être présent, c'est-à-dire moins dans la vitesse. Et finalement, qu'est-ce que je fais exactement ? J'ai soif. Eh bien, voilà, hein, j'ai plus le temps de préparer ou de réfléchir à ce que je vais faire cet après-midi. Alors, manger des légumes et des fruits frais, alors là, éviter les conserves, les plats, tout préparer, surgeler, lorsqu'on a un peu plus de temps, toutes ces belles couleurs pour rester en pleine forme. Alors, marcher, utiliser les escaliers au lieu de l'ascenseur, donc sursauter quelques minutes sur place, voilà, si ça active et ça va détoxifier donc notre système lymphatique. Donc, se relaxer un instant, faire des micro-pauses pour ceux qui travaillent, ralentir quelques moments votre respiration, vos pas, vos gestes, Écoutez votre corps, écoutez la sagesse du corps qui sait ce qui est juste pour vous. Prendre des temps d'intériorisation, s'observer, méditer. Sourire devant un miroir, faites le sourire le plus large possible et surtout exagérez. Activez 10 fois vos muscles zygomatiques pour stimuler positivement votre cerveau. Posez l'attention sur ce qui sur ce qui connecte et non ce qui sépare. Donc ça, ce sont des conseils qui ne sont pas terminés parce que si on disait 10 idées, s'allier à la nature, être le plus possible en contact avec le sol, la terre, sentir le lien d'interdépendance entre tous les êtres vivants, consommer avec modération les médias, la télévision, donc voilà, se limiter aux informations essentielles, vivre dans un environnement porteur et surtout se relier à ses amis, partager, rire, célébrer ensemble. Voilà, ce n'est pas terminé, ce n'est pas parce que nous sommes en alerte maximale que nous n'avons pas plein de choses à faire. Bien sûr que si, et c'est tout ceci qui est important. Enfin, c'était Gandhi qui l'a largement exprimé. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Par sa résistance pacifique, Gandhi a mis en pratique dans le domaine politique le concept yogique d'Ahimsa qui se traduit par la non-violence aux autres et à soi-même. Very hard to do. just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why? Cette émission en parlant justement de sa date de naissance. Elmine Silva, elle naissait un 23 octobre en 1907. Alors peu le savent, parce que c'est vrai qu'on parle de fado souvent, on évoque Amália Rodrigues, Jorge de Mercenário, deux grands noms. Alors celui-ci, c'est un très très grand nom, Elmine Silva. Elle est surtout, elle gardait une distance avec le fado, donc elle avait cette particularité d'avoir beaucoup beaucoup d'humour et beaucoup de distance par rapport à cette saudade, cette tristesse qu'invoque le fado. On écoute un petit peu. Agora vou cantar um fadinho que tem por título Lugar Vazio. Bem picadinho, que é para a voz sobressair. Chequinzinhos a 320 paus o quilo. Ela tinha lá 5 gramas, era para ela e para o Charma, para o chat-se. Depois apareceu esta intrusa, olha, foi a conta. O cavalo é com os jaquinzinhos, é cabecinha, rabinha e tudo, vai tudo na enxurrada. Anda, Armando. Eu entrei e abracei a Mariquinhas, que me contou que um senhor de falas finas lhe deu a casa que é sua, pôs prego na rua e correu com tal senhor que era vingrinhas. Mandou caiar as paredes por cortinas de chita nas janelas, tão bonitas as bolinhas, e por fora para chatear as vizinhas. Janelas com tabuinhas, bem feita. Lá na rua as amiguinhas ficaram todas danadas. E um peso de 400 quilos em cada ponta das tabuinhas, que era para elas não poderem deitar para lá os mirones. Aquilo é um resto de chão. Antigamente era só lá chegar e aquilo era canja. Agora quem é que pode aguentar 800 quilos? Ela sabia de lembrar, hein? Mas é uma belíssima rapariga. Anda, Armando. Ah, já tiraram os cachilhos às voltinhas e as danelas já estão todas catitinhas. E para afastar os temores, pinguiço dos penhores, fumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso das igrejas, para acabar com as invejas, pôs um chifre atrás da porta, às voltinhas. E na cama sua colcha feita à mão, ai de broada com borlinhas. Ela é muito aprendada, estava a fazer uma colcha, toda em caroché. Diz que era para me oferecer a mim, para eu estrear na noite de Natal. E tens que a pôr, e tens que a pôr, e tens que a pôr. Tem que a pôr o quê, mulher? Tens que a pôr a colcha na cama na noite, está bem? Pronto, acabou-se. Faltavam 3 dias para o Natal e a colcha ainda estava em meio. E ela, coitadinha, ali a fessanga, a fessanga, a fessanga. Oh, mulher, para lá que costura. Quando entram as visitas, cerimónia, assim como eu, para-se logo com tudo. Nós éramos aprendizes de alfaiate quando éramos miúdas. É claro que eu não percebia nada daquilo, nem queria eu. Eu andava a apanhar alfinetes. Agora ela, não. Ela até já sabia gornecer, como ela dizia. Hoje é uma boa costureira de alfaiate e eu sou vedeta. De maneira que ela faz assim um bocadinho de cerimónia comigo e a Tor respondeu: oh filha, eu por acaso até nem percebo desses protocóis. Você não percebe destes protocóis? Então aprenda, eu é que sei. Cultura é comigo. Sou eu e o Pedro Homem de Mel, sou manada. Uma bandida daquelas da minha criação a dizer protocóis. Mas em que rimance, em que rimance, é que ela aprendeu os protocóis. Não foi na crónica feminina, com certeza. Eu ali cheia de punhos de renda, e ela pimba protocolos. Anda, irmã. A colcha é linda, é toda aos quadrados de 1,5 metros, assim com rosinhas todas em relevo, assim com cachos de uvas ferrais pendurados assim à volta, uma fundura toda em boa de rose, é uma beleza, pesa 50 quilos. Aquilo não é sonho, é pesadelo. Agora eu para escada abaixo com 50 mangustos às costas. Eu disse escada... Oh, Irene, eu disse escada abaixo. Disse, não é, é o resto de chão. Ah, lá está tudo, tudo, tudo a dar um cheio. E a guitarra é enfeitada com fitinhas. E soube que me reparo um bonequinho de barro, bem bonito e pintadinho com folhinhas. E eu fiquei tão contente e ficamos calmamente a beber até de manhã. Ai, ai, uma macieirazinha. Pois dar uma ver a dor é o melhor, já dizia a mariquinha. J'espère que cette belle humeur est arrivée jusque chez vous, tout simplement. Comme le temps passe, à force de passer, bien sûr. Aujourd'hui, il est consacré à, dans cette émission, à Hermine Silva, qui a vécu de 1907 à 1993. Elle est née un 23 octobre, considéré par les connaisseurs comme l'un des trois piliers du fado du siècle dernier, avec Marley Rodriguez et Alfredo Mercenario, à peu près qui ont vécu à peu près la même période. À l'époque, la diversité du fado s'incarnait dans des conceptions et des univers aussi éloignés les uns des autres que ceux de ces trois grands fadistes, parmi d'autres, mais qui sont restés aujourd'hui. Seul l'héritage d'Amalia semble avoir survécu, bien que des hommages soient de temps en temps rendus à Mercenario, son style et sa façon de chanter n'ont pas, ils n'ont pas laissé de postérité. C'est encore plus vrai d'Hermine Silva dans le chic populaire. La pétulance goguenarde et la voix faubourienne agile et comme légèrement éraillée était à l'opposé de la plénitude majestueuse et grand genre d'Amalia. Mais Hermine passait, pour ainsi dire, sa vie au contact du public, des théâtres et des revistes, des revues. Ce sera aujourd'hui notre qui est qui. Voilà. Elle était tout le temps dans ces maisons de fado, mais elle était aussi actrice. Et elle a ce ton de légère ironie que j'adore et qui lui était propre et qu'on retrouve dans son art unique et impeccable du fado, toujours à la bonne distance du texte, surtout lorsque le sujet est très très sentimental, car avec le fado, faut faire très très attention, hein, c'est parfois voilà, on a cette impression que c'est triste, jamais avec Ilmigne, comme c'est le cas d'ailleurs de ce qu'on écoute là, Lugar Vazio. Ensuite, on va entendre un document que j'ai trouvé où justement on entend son fils qui parle d'Ilmigne Silva. Destino ruim, e falta nela teu trato, e faltas-me tu a mim. E chego a julgar-te ao meu lado, comigo deitado. Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio está tão vazio e tão frio como esse teu coração. E agora la la la la la la la la la la. Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio está tão vazio e tão frio. O meu princípio de vida foi maravilhoso e o fim continua a ser maravilhoso. Ilmigne Silva. Então agora é que eu fiquei a rasca. Esta é a cidade onde nasceu minha mãe, do Hospital de São José. Onde nasceu, ela depois foi para Santa Clara, onde ia morrendo. Porque havia uma varanda com umas tábuas, ela gatinhou para ver a minha tia embaixo, debruçou-se e... Um perdigueiro. A varanda era uma varanda daquelas varandas, as argolinhas, não sei, para trás e para dentro, pimba! Caiu lá abaixo. Caiu no colo da tia, e do colo da tia caiu para a giga, uma giga de hortaliça. Era toda a gente a gritar, eu muito palerma a olhar, muito palerma, não perdi os sentidos. E foi, lá me levaram para o hospital. Quando eu ouvi falar no hospital, não vou, não quero ir, não vou, não sei esperrinhar. Ah, vai o quê? Tenho que ir mesmo. Mas como eu tinha nada partido, mandaram-me para casa. E o menino, e ao borracho, põe-lhe Deus a mão para baixo. A minha mãe veio viver aqui para o castelo com 8 meses. Aqui passou a sua adolescência, cantava muito. Cantava, se calhar ainda melhor que agora. Maneira que pelo menos tinha a voz limpinha, que era uma beleza. Tinham que lhe arranjar outra profissão. E então arranjaram-lhe como aprendiz de alfaiate. E ela gostava. Gostava, estava lá. Até fazia para mim uns gafanhotos a cozer, não consigo nunca não saber. Tenho pena não trazer para mostrar. O destino da minha mãe era o palco. Quis ser artista e ainda bem. Cresceu, foi viver para outros sítios, mas esta foi sempre a sua rua. Cá para mim a minha rua é um risonho canteiro. Tem gatos vendo a lua nos telhados em janeiro. Tudo ali é português. Ai, tudo lá vivo contente. Vivo pobre e o burguês. É pequenina talvez, mas cabe lá toda a gente. O meu filho gosta imenso de vida. E voilà, voilà. On entendrait, hein? encore et encore ces témoignages sur Hermine Silva, une grande actrice et fadiste de, ben voilà, hein, ça c'était une biographie et que on pourra certainement réécouter pour ceux qui voudront vous nous laisser des messages. On pourra toujours vous donner les références, ou alors vous faites un tour sur la page Facebook de l'émission LDT, sur le blog, etc., etc. Et ben, allez fêter l'automne. Alors, nous sommes en automne déjà. Nous sommes encore en automne. Les belles couleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, les arbres, ils sont magnifiques. C'est vraiment merveilleux de se promener à l'extérieur en regardant les paysages. Hein, c'est jaune, c'est ocre, c'est rouge, c'est marron. Oh là là, l'automne. L'automne, c'est aussi au parc floral pour sa 3e édition. Si ce week-end vous avez envie de respirer un petit peu l'air de l'automne, on vous proposera une version repensée et enrichie de sa désormais traditionnelle fête de l'automne au parc floral organisé dès 13h30. Voilà, donc ça, vous le savez, c'est à la source, hein, c'est, on est dans l'Auray, en région centre, pas très loin d'Orléans, ce parc fête l'automne, qui réunira jusqu'à la nuit tombée une vingtaine d'exposants avec des saveurs automnales, produits régionaux et créations originales qui seront à l'honneur dans ce rendez-vous automnal, qui sera l'occasion de retrouver des savoureux produits, paraît-il, des points de restauration. Alors, je ne sais pas si ça a été annulé en ce qui concerne la nuit, mais renseignez-vous, parce que normalement, c'est le 24 octobre 2020, c'était prévu, ça commence à 13h30, c'était prévu jusqu'à 23h, donc la dernière entrée 21h30, il y a certainement des choses qui ont changé peut-être. Alors, je vous donne un numéro de téléphone, voilà, pour certaines activités qui sont soumises aux réservations, et pour plus d'informations, le 02 38 49 30 00. Le 02 38 49 30 00. E acabou por ser a grande fadista de Lisboa. A uma dada altura teve a ideia de fundar. Try both ways and see which feels better. Okay, so where do I go first? I do this leg. Do your hold. Okay. Alors, on écoute Barbara Streisand, un beau duo avec Céline Dion, c'est sublime, c'est super, pour ensuite écouter la poésie du jour. Ce sera Pensée d'automne et ce sera une poésie de Théophile Gautier, justement. On en parlait en début d'émission, ce n'est pas oublié. Restez avec nous, Radio Arc-en-Ciel 96.2, et on se retrouve. There's another one he's thinking of. Maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there. You feel inside. on a écouté cette très très belle chanson. J'espère que le son il arrive jusqu'à vous. Voilà, parfois des petites surprises comme ça dans les studios, du monde qui vient nous voir. Ça fait du bien, hein, d'avoir du monde dans les studios. Et là, on disait, on parlait de ce poète Théophile Gautier, et le mieux, c'était encore de pouvoir écouter une de ses poésies, et ça tombe bien, car voilà, c'est l'heure que vous attendez tous, c'est l'heure du moment poésie, justement. Théophile Gautier, Pensée d'automne. L'automne va finir, au milieu du ciel terne, dans un cercle blafard et livide, que cerne un nuage plombé, le soleil dort. Du fond des étangs remplis d'eau, monte un brouillard qui fond, colline, champ, hameau, dans une même teinte. Sur les carreaux, la pluie en larges gouttes teinte. La froide bise siffle. Un sourd frémissement sort du sein des forêts. Les oiseaux, tristement, mêlant leurs cris plaintifs aux cris des bêtes fauves, sautent de branche en branche à travers les bois chauves et semblent aux beaux jours envolés dire adieu. Le pauvre paysan se recommande à Dieu, craignant un hiver rude. Et moi, dans les vallées, quand je vois le gazon sous les blanches gelées disparaître et mourir, je reviens à pas lents m'asseoir, le cœur navré, près des tisons brûlants. Et là, je me souviens du soleil de septembre qui donnait à la grappe un jaune reflet d'ambre, des pommiers du chemin pliant sous leur fardeau et du trèfle fleuri, pittoresque rideau s'étendant à long pli sur la plaine rayée et de la route étroite en son milieu frayé et surtout des bleuets et des coquelicots. Point de pourpre et d'azur dans l'or des blés égaux. Les pensées d'automne, voilà, ce qui tombe très très très bien pour cette période qui on commence le week-end. Moi je crois que j'ai déjà des personnes qui m'ont fait des petits coucous comme ça avec des champignons. Est-ce que vous êtes allé à la cueillette des champignons? Ah là là là là. Et alors Théophile Gautier, le florilège des poèmes, le résumé de sa vie. Théophile, il est né le 30 août à Tarbes en 1811. Sa famille est issue d'une famille de petite bourgeoisie avec laquelle il vint s'établir rapidement à Paris. Il fait ses études au lycée Louis le Grand, oui, au lycée Charlemagne. Voilà, donc ça, c'était à Paris. Il se destine à une carrière de peintre, mais en 1829, très exactement le 27 juin, il rencontre Victor Hugo. Et ça lui donnera le goût de la littérature, et l'année suivante il participe à la bataille d'Hernani vêtu d'un gilet rouge qui restera célèbre, et en 1830 paraît son premier recueil de vers qui a été financé par son papa, paraît-il. Voilà, se dessine déjà un don particulier pour la poésie, très conscient de l'héritage des antiques, et on va continuer d'écouter Evie Kaplan. These horn and drums. Oh, children, chez moi maintenant, j'écoute sans arrêt. Alors ici on écoutait aussi du Hambach, voilà, clé. Ah là là là là, c'est sympa ça aussi pour un après-midi, un vendredi après-midi, on attend comme ça le week-end tranquillement, mais après tout nous y sommes déjà un peu, et dans les tendanciels nous allons parler beaucoup de musique portugaise, et on va parler surtout de cet événement des prix où je plais, je vous explique tout de suite, plais, P-L-A-I-Y. C'est du jazz. Aïe, aïe, aïe. On ferait comme ça pendant 2 heures, on l'écouterait. Mais bien sûr, vous attendez, parce qu'on vous l'a promis, toutes ces tendancielles. Et je disais que les prix plaient. Voilà, c'est un grand spectacle qui rend hommage à la musique portugaise. C'est vrai qu'en ce moment, on a un peu moins de spectacles et je voulais un petit peu parler de finalement de cet événement dont on parle beaucoup. C'est archi connu au Portugal. Ceux qui regardent la télévision, bien sûr, connaissent parce que voilà, hein, c'est financé. C'est, je crois que c'était au mois de juillet, en tout cas. Il y avait, ça s'est passé, mais c'était prévu pour le mois de mars. Avec le Covid-19, on a changé les dates, donc on en a beaucoup parlé, mais surtout dans ces prix-là, et toujours comme ça, des noms qui sortent, desquels on a entendu parler, et on entend parler aussi dans l'émission LDT. Ça va revenir. Alors ça, on parle d'un grand spectacle qui a rendu hommage à la musique portugaise. En plus, c'était sponsorisé par SAGE, Citroën, le ministère de la Culture, la mairie de Lisbonne, etc. Et l'année dernière, on parlait de Dino de Santiago, qui a été le plus grand vainqueur. On a parlé de trophée pour le meilleur artiste solo, le meilleur album, le prix de la critique, Conan Osiris, l'artiste révélation qui était Did Combo, le meilleur groupe. Bien, vous avez entendu parler de Maria de Carminho, qui a été distingué comme le meilleur album fado, et Amor em Tempo de Muros de Pedro Munhoz, le meilleur vidéoclip, le prix Vodafone, la meilleure chanson, et etc., etc. Alors, tout ceci nous amène au prix de cette année, voilà. Cette année, et on a dit normalement c'était prévu pour le mois de mars, ensuite on est passé au mois de juillet, et c'était les prix de la musique portugaise avec un nombre de participants à peu près 44, ce qui est pas mal pour participation dans 11 catégories qui vont de la pop rock, hip hop au fado, en passant par le jazz, par la musique classique et érudite. Alors on parlait de noms comme Lena Dague, Papillon e Murta, Bárbara Bandeira e Caixa, Camané, Mário Leguinho, Kalema, Ana Bacalhau, Diogo Pissarra, Fernando Daniel e Tainá, Capitão Fausto, Pedro Binhosa e Prof. Jam. Donc tout ça, ce sont des noms qui vous disent quelque chose maintenant. Alors voilà, hein, les Prêmios Play, ils sont divisés en plusieurs catégories, comme la catégorie donc du meilleur album, le prix Révélation, on le disait déjà, le meilleur groupe. Donc il y a normalement 10 vainqueurs, je crois, voilà, dans cette diversité et représentativité de genres musicaux. On va, ne soyez pas étonnés, donc si je vous en parle, c'est parce que voilà, je suis tombée sur un extrait où on entend Pedro Brunhoz avec au Prof. Jam, je voudrais vous le faire écouter. écouter, mais voilà, ne soyez pas étonnés, c'est vraiment dans l'air du temps, et je trouve qu'en ce moment, s'il y a de l'agressivité, cette agressivité, elle passe par les chansons, et tout va bien. Laissez donc les artistes s'exprimer, c'est que du bonheur. Je vous laisse donc, après un peu une petite un petit instrumental, vous arrivera dans l'immédiat au Pedro Bruniaz avec Prof Cham. Allez, les tendanciels, c'est dans l'air du temps, l'air du temps est dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps. Amor, essa palavra que me mata, que me corta como uma faca, que me deixa no chão como um cão, nu, sem sossego, como o prazer que te nego, dor cativa, privada. Bruma que te cobre o corpo de fada. Um sonho distante na mente e de repente saber que cê está só. Yeah. Saber que cê está só. Como é duro e é puro o futuro. Sempre presente, como o céu na tua frente. Pintado, queimado, um vazio assumido. Um corpo triste, despido e uma mão que se estende. Tão depende. De quem vier, yeah. Mesmo assim que se quer, longe ou perto, tudo é deserto, tudo é montanha que te arranha a alma. Com fúria, com calma, é preciso ter calma, não dar o corpo pela alma. É preciso ter calma, não dar o corpo pela alma. É preciso ter calma. Não dar o corpo pela alma. É preciso ter calma. Não dar o corpo pela alma. Vê-se passado dorido, ferido. E agora tudo te é querido. Memória e vitória. Não é esta a tua história. Voou a tua vida perdida. Por entre os braços da sida, mentira, roubada, pesada. Uma seringa a tocar em um prazer que agora é nada. Perdoa se eu não sei o que fazer. Mas sei que deve doer. Dá-me o teu olhar e eu dou-te o meu amor. E o beijo urgente para menos. Esperança que não dorme conforme. Mas dita eu estar aqui. Amanhã sei lá. Para já, para já, para já. É preciso ter calma. Não dar o corpo pela alma. É preciso ter calma, ei, não dar o corpo pela alma. É preciso ter calma, não dar o corpo pela alma. É preciso ter calma, não dar o corpo pela alma. Jarda, vim fazer 20 etapas. Já de quem vira casaca, prefiro abrir as asas. Sistema fica montado, pantera vem do Barça. Este é pop, de pop, é do vosso tanto lá na taça. Tática, tática, tática, claca, guita que tem faca. Clarito, tipo, um digo, saca, tem que não ser candidato. Ué da Kings, eram Fox, better rings do que empata. Quando ouvis uma voz, é só o grilo do Pinocchio. Vais abrir uma fábrica, Code deu-me uma dádiva. Boy, essa merda é nossa, caga na matemática. Meteste o pé na poça, eu pus um pé em Fátima. Não tive uma overdose, eu tive a dose máxima. Quem vai ficar sinistro? Limpei a terceira lente no meu corpo, vejo Cristo. Parece que os pago o peito da face, rap com exorcismo. Não jogo com o demo, jogo o jogo todo fismo. Sistema, um sistema. Como é que eu explico o flow, Pedro? Como é que eu vi que assim nasci que cura ao mesmo tempo? Mano, eu sei que eles procuram a loucura quando eu tento sair com o fosso. Se ele foi com verdadeiro, nunca se importaria. Eu posso ser perfeito, por isso é que o flow é com cadáver. E enquanto a morte, ainda bem que eu não vou pondo o meu cadáver. Eu acho mesmo que nunca. A seguir esse drop, essa merda nunca mais vira a mesma. Eu dou mesmo nota trena, tenho a cara no cinema, tudo preto no meu pima. Quem tem fé, chega apenas, eu não fecho. Nem para férias tenho a fé, mesmo às cegas sou eu, desligo o sistema. Nunca mais vira a mesma. Eu dou mesmo nota trena, tenho a cara no cinema, tudo preto no meu pima. Quem tem pés, chega apenas, eu não fecho. Nem para férias tenho a fé, mesmo às cegas sou eu, desligo o sistema. Mais um dia que acaba e a cidade parece dormir. Na janela vejo a luz que bate no chão e penso em te possuir. Noite após noite, há já muito tempo, saio sem saber para onde vou. Chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Leva-me contigo, mostra-me onde estás. É que o pior castigo é viver assim, sem luz nem paz, sozinho com o peso do caminho que se fez para trás. Lua, eu quero ver o teu brilhar. Loucas são as noites sem dormir, loucas são as noites. Loucas são as noites que passo sem dormir. Loucas são as noites. Cinco dias, não lembro-me mais de mês. Desde que eu te conheci, a minha vida é como vês. Passo dias a pensar, não sei o que fazer. E eu nem quero acreditar como foi acontecer. Só queria estar sozinho, não passavas em amor. Sempre que conheço alguém, fica levado a pior. E no metro teu anúncio de caráter pessoal, imitavas-te a dizer: sou a pessoa a responder, só para perguntar o que é que isso quer dizer. Colhe os novos para te falar depois, mas de curio, estou no 9372. Da gueixas de tarde devia estar a acordar. E essa voz com que quieto não se vai memorar. Fiquei quase sem falta e mesmo a desligar. Do outro lado dizias: socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Apaixonar-me é impossível resistir a tanto charme. Enquanto te afogas em falácias, eu nado no nada que envolve galáxias. Yeah, cliente outras farmácias. Yeah, avançado sem eficácia. Meu puto, tu abre o teu espírito à realidade. Aprende que o que vem é sempre foi premeditado. Se és da vida louca, tenta alguma sanidade. Porque a paz lá fora precisa de mais soldados. Levava a pedir contigo e que esta te acompanhe. Cada passo é pensado até o tiro do Cobain. Olho para as pegadas para saber de onde eu venho. E projeto o trajeto que me leva para o bem. Rastafari, se o demo vou ter comigo, eu mando-o para o caralho. Cuspo o meu veneno e vou para o céu, porque eu lá valho. Talvez não consiga, só que se eu não começar falho. Socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Apaixonar-me é impossível resistir a tanto charme. Estou a apaixonar-me, é impossível resistir. C'est bien. Alors là, bien sûr, hein, parce que on entend Pedro Munhoz dans un registre que nous n'avons pas l'habitude, et parce que bah voilà, nous ce que on connaît en Pedro Munhoz dans tous tous les tons. On adore, on aime, et c'est vrai qu'il nous fait toujours des choses nouvelles. Et là, c'est un merveilleux moment, vraiment. Notre ère du temps, voilà, aujourd'hui, avec cette diversité des genres musicaux. Alors, voilà, je cherchais justement qui finalement avait eu le prix de la meilleure artiste féminine, et là, le meilleur artiste féminin, Lena Dague. C'est vrai que The Maldemient, j'avais adoré cet album. On écoute des extraits parfois dans cette émission. Au fadiste Kamenet et au pianiste Mario Le Guin. Souvenez-vous, on avait dit, voilà, c'était très très original, car au fadiste Kamenet, il nous interprétait du fado au piano et non à la guitare. C'était osé. Et ben voilà, c'est le prix du meilleur album, et le meilleur album de fado, s'il vous plaît. As noites que passo sem dormir, et ben voilà, voilà qu'on n'aura pas, on pourra pas, en tout cas pendant quelques semaines, c'est tout, ne plus passer ces folles nuits, loques changes noites. Voilà, elles le seront tout de même, hein, on va s'organiser, faire en sorte que oui. Alors, de toute façon, ce n'est pas au Pedro Muñoz qui dira le contraire, car les nuits pyjama, on en a parlé parfois, oui. Hein, ça peut être aussi avoir son intérêt. En tout cas, rien ne va s'arrêter et rien ne change de toute façon. C'est cyclique, ce sera toujours comme ça. J'espère surtout que nous resterons en bonne santé et tout se passe bien, tout va très bien d'ailleurs. Je vous parlais de cette cérémonie qui a donc rendu hommage à la musique portugaise. Ça, c'est les Play, c'est la deuxième, au mois de juillet, c'était la deuxième édition du Play, PLA, PLAY, voilà. Alors, deux musiciens, on a prêté hommage aussi à ce grand musicien, José Mário Branco, qui nous avait quitté au mois de novembre. José Mário Branco, qui a vécu une grande partie de sa vie en France. Os Capitão Fausto, ils ont aussi été distingués et ils ont reçu au Play le meilleur groupe et la meilleure chanson de l'année avec Amor en Nossa Vida. Donc un extrait de l'album Invenção do Dia Claro, l'invention de la journée claire, si on peut traduire des titres d'albums, c'est difficile, mais voilà, on va pour donner des repères à ceux qui sont lusophones mais qui ont du mal à suivre lorsque nous parlons portugais. Alors, o músico Slow, le musicien Slow J, a été élu le meilleur artiste masculin, Bárbara Tinoco, qui a remporté le prix de la révélation, et puis Taina, la brésilienne, qui a remporté le prix Lusophonie. Donc, le saxophoniste João Mortágua, le play de le meilleur album jazz, Dentro da Janela, voilà le titre de cet album, à l'intérieur de la fenêtre, et le compositeur Luis Tinoco, avec Dreaming JP, qui a remporté le prix du meilleur album de la musique classique érudite, avec Archipelago. Alors, on le disait en début d'émission, donc ça a été une cérémonie qui a été atypique à cause du Covid-19. Elle a été présentée par Inês Lopes Gonçalves et Filomena Cotel. Voilà, donc on sait que quelqu'un disait comme ça, on veut une culture digne et non de charité. On veut une culture avec moins de drinks, moins de mesures. Voilà, pour tous ceux qui traversent en ce moment des moments difficiles, voilà, c'est je ne sais pas s'ils ont été écoutés, mais j'espère qu'on aidera en tout cas tous ces artistes qui en ce moment ont beaucoup de mal à travailler. Donc on traverse un moment compliqué dans le domaine de la culture, mais pas seulement. Et voilà, on parlait de ces invisibles, et ce monsieur, c'était au Pedro Brunhoz, le musicien Pedro Brunhoz, qui s'est adressé ainsi au Premier ministre pour que on n'oublie pas donc tous les musiciens, tous les artistes qui en ce moment traverse cette période avec beaucoup de difficultés. Voilà, donc le musicien Dino de Santiago, qui a rappelé Bruno Candé, ce monsieur Bruno Candé Marques qui nous a quittés, voilà, qui a été, ne mâchons pas les mots, il a été assassiné, et le musicien Branco qui a remporté le play de le meilleur vidéoclip nous parlait de avec cette chanson de Hear From You, voilà, il s'est exprimé sur le racisme qui existe aussi au Portugal, et voilà, parce que c'est ainsi que on a parlé en disant que il faut faire le maximum pour que les choses changent aussi au Portugal, car le racisme existe. C'est une cérémonie qui a aussi compté avec la présence de Lena D'Água, Papillon, Comurta, de Bárbara Bandeira, Kalim, Ana Bacalhau, voilà. Donc, cette remise de prix qui nous a fait passer un merveilleux moment. J'espère que tout va bien de votre côté. On a parlé d'automne déjà. En ce moment, on a du soleil hein, dans les studios. Voilà, ça fait du bien ces petits rayons de soleil. C'est encore le soleil d'automne. Et nous pensons déjà à Noël d'ailleurs. Hein, nous préparons, on parlera des crèches. Hein. Voilà, le top, le concours, ce concours top crèche, ça se passe à Orléans, ça. Alors, Ned Rorem, il est né un 23 octobre, je vous le disais en début d'émission, on allait en parler. En attendant, je vous laisse avec Eric Clapton, pas mal, hein, c'est même très très bien ça, c'est du live. I'm waiting by your side. You've been running, hiding much too long. No, it's just your foolish pride. Hey, got me on my knees and I'm begging, darling, please, and I, darling, won't you ease my worried mind? Tried to give you consolation when your man had let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of this situation, or I finally go insane. Please don't say never find a way. Tell me all my love's in vain. Hey, love, got me on my knees, hey, love. Begging, darling, please, hey, love. Darling, won't you ease my worried mind? Got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Arc-en-ciel, il est 15h38. Restez avec nous. Non, non, vous ne vous trompez pas. C'est toujours l'émission LDT. Nous écoutions Eric Clapton, bien sûr, un merveilleux extrait de son album. Pour passer encore à un anniversaire, mais je reviens tout de suite. Rorem, 3 Barcarolle. Allez, voilà, c'est une de ses compositions. Il est né un 23 octobre, bien sûr. Et je me disais, mais comment est-ce possible? 1923, bien sûr. Un 23 octobre 1923, c'est 2-23, on va pas l'oublier. Alors, un compositeur compositeur et pianiste Ned Rehm s'affirme comme l'un des mélodistes américains les plus brillants. Il possède un sens naturel de la ligne vocale et de la prosodie du texte. Ned Rehm étudie le piano, le contrepoint et l'harmonie au Curtis Institute of Music. Alors ça, c'était à Philadelphie, c'est là. Il reçoit une formation vocale aussi et il s'installe en 1944 à New York et parfait son apprentissage ainsi avec des cours d'orchestration. Donc ce que je voulais relever surtout, c'est que même s'il n'était pas à New York, toutes ces formations comme ça, il a surtout beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé en France. Là. Et on sait que lorsqu'il était en France, il assimile rapidement les arts musicaux. Il travaille à côté du compositeur Arthur Honegger. Il se lie d'amitié avec Francis Poulin, avec Georges Auric. Et encore, figurez-vous aussi, avec Jean Cocteau. Il acquiert une protection, la vicomtesse Laure de Noailles. Vous avez entendu parler, qui lui ouvre le cercle des compositeurs modernes parisiens. Donc, de retour aux États-Unis en 1958, il répond aux commandes de diverses institutions et enseigne ainsi la composition au sein de plusieurs universités. Donc l'influence française reste la caractéristique la plus prononcée de la musique de Ned Rehm, et particulièrement dans ses mélodies, genre auxquelles il consacre un peu plus de 25 cycles. Il est également l'auteur de plusieurs opéras, symphonies, concerts pour piano, pièces de musique de chambre et œuvres chorales. Donc je conçois toute musique en termes de musique vocale, quelles que soient les forces pour lesquelles je compose. Donc tuba, tambourin, carillon, au fond de moi, c'est toujours le chanteur qui essaye de s'exprimer. Voilà, on va quand même, je sais qu'il a publié une série d'écrits en anglais sous forme de journaux personnels qui relatent ses rencontres à Paris et à New York. Voilà. On continue encore nos love stories, c'est dans LDT. Thank you. Je n'ai pas changé ça, je crois que... Il fallait quand même se souvenir un petit peu de, ah, parmi vous, je sais qu'il y en a énormément qui écoutent vendredi après-midi Radio Arc-en-Ciel et ces souvenirs musicaux qui nous font revivre tout simplement. Alors si nous sommes en automne et si nous avons parlé de cette saison extraordinaire, car c'est une transition, et ça je le dis souvent, hein, de la lumière des extrêmes où il fait très très très chaud, on va passer au très très froid, mais comme ça pas d'un coup alors, hein. On va d'abord passer par l'automne, donc cette saison qui marque une transition entre l'été et l'hiver, donc ce sont des températures qui sont relativement modérées, alors nous avons encore de la lumière, du soleil. Les journées, elles se raccourcissent, mais quand même, hein, pas tant que ça. Tout va bien. C'est la nature qui n'est pas encore au repos. Et nous avons des fruits, des goûts extraordinaires que la nature nous offre en ce moment. Comme ces fruits de saison, on parle des marrons, les champignons, les noix, les noisettes, les fruits secs de l'hiver, car on pourra les faire sécher et les déguster comme ça bien plus tard. Et tout ceci nous renforce nos immunités et nous prépare à cette saison où nos défenses, elles peuvent être affaiblies. Et c'est parce que nos défenses, elles sont affaiblies car on a besoin de résister au froid que l'on va attraper des virus. Quand on parle de la grippe, par exemple, hein, on est enrhumé car il fait froid. Alors, il faut faire bien attention à donner à notre corps de quoi se protéger aussi, non seulement au niveau des habits, mais aussi au niveau alimentation. Voilà, donc c'est important de temps en temps de se rappeler ces règles de base. Avec la course du temps, on est si pressé que tout ça, voilà, on n'y pense pas forcément. Mais on se prépare à affronter l'hiver et à rester en bonne santé, en bonne forme, en suivant, en écoutant la nature. Alors, en hiver, au mois de décembre, nous fêterons Noël aussi et il y a ce concours à la cathédrale d'Orléans, car nous sommes, les studios de Radio Arc-en-Ciel sont pas très loin d'ailleurs, hein, on le dit nous. Et à Orléans, donc on prépare les crèches, le concours. Cette année, le thème « Renaître vers un monde nouveau ». Alors, si vous voulez participer, le dossier est à télécharger sur Facebook, « Top Crèche, le concours », ou à demander par mail à topcrèche.leconcours@gmail.com. Donc, ces dossiers sont à rendre avant le 21 novembre. Donc, les crèches seront exposées à la cathédrale du 12 au 20 décembre 2020. Donc, n'oubliez pas ce concours, le Top Crèche. Je crois qu'il y aura moins de crèches, mais elles seront certainement encore plus belles que d'habitude. Alors, je vous laisse avec... Écoutez, voilà, c'est Axel Red, c'est du nouveau, mais avec une interprétation d'une chanson que nous connaissons tous il y a très très longtemps, avec... Icar, enfin, c'est pas, il y a pas si longtemps que ça, Jodassin, hein, c'est très actuel. La chance, enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes couleurs sans savoir. Et à mes trahisons, quelquefois. À moi, autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, où tu fous que j'étais caché à mes. s'approche un premier rendez-vous. À la santé de ces lions d'amour qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi. À tes records un peu artificiels, quelquefois. À toi, d'écouter Ouchbong, hein, car tout le monde attend avec impatience. Et là, ce sera... c'est déjà dans les platines. Et comme on parlait automne, avant de passer à l'hiver, on sait qu'il y a des auteurs portugais qui vont passer dans nos littéraires. Ça se passera en Allemagne. Je crois que c'était hier pourtant, hein, la première fois où cet automne littéraire avec où le Portugal participait, donc avec la présence de José Luís Peixoto, Afonso Reis Cabral, Afonso Cruz e Dulce Maria Cardoso. Como se diz, o outono literário diz ideia de leitura para o seu weekend. Mona mwenye Ngamua Aluke nungala fwa Ngamu bingi kienze Mwenye wando kala benyaba Eme ngondo jamye Mona mwenye Mweza Mona mwenye Ngamua Mona mwenye Ya wesa mona mwenye kamunga ngumba alukenu ngala fwa ngamu bingi kiaze mwenye wando kala benyaba eme ngoto yanye mona mwenye ya wesa mona mwenye kamunga ngumba sambi wangi pana mona Kamu valele Mwenye wando kala benyaba Eme gondo yange Mona mwenye Kangumba Mona mwenye Uyaweza Mona mwenye Uyaweza Mona mwenye Kanunga ngumba Zambi wangi pana mona Kamu valele, mwanyeze wando kala benyaba Eme ngondo yanye mwenye, mona mwenye Uyeweza, mona mwenye Kadugamba, mona mwenye Uyeweza, mona mwenye Kadugamba, aluke nungolo fwa Kamu bingi kiaze Mwenye wando kala benyaba Eme ngondo yanye Mona mwenye Suyaweza Mona mwenye Kaduka mkumba Zambi wangi pana mona Kamu valele Mwenye wando kala benyaba Eme ngondo yanye Mona mwenye Mona mwenye Nalunga kumba Mona mwenye Weyaweza Mona mwenye Nalunga kumba Mona mwenye Weyaweza Mona mwenye Nalunga kumba Sambi wangi pana mona Kamu valele Se wando kala benyama kondo ya mie Mona mona mwenye Uyeweza Mona mona mwenye Katunga mba Mona mona mwenye Voilà, nous sommes presque en fin d'émission. LDT, c'est aussi un travail d'équipe avec la publication sur la page Facebook de l'émission, du podcast, un travail qui est réalisé par Florent Amigo, notre enregistreur. Je sais qu'il est à l'écoute en ce moment. Une pensée amicale pour notre ami Florent, auquel je dédie cette chanson « Causes de la vida ». C'était en 1997, souvenez-vous. Son humanas situaciones. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh, yeah. Estoy pensando en mí. 1997 déjà, Tina Turner avec Eros Ramazzotti, cette voix rock typiquement, non, rien, je n'ai rien dit. C'est une très très belle voix, on aime ici en France. Voilà, on disait LDT à réécouter donc si ça vous chante, tout simplement la playlist, les interviews, les nouveautés lusophones et autres qui seront publiées soit sur le blog, soit sur la page Facebook de l'émission. On termine maintenant avec une nouveauté, Claudia Pechqua, souvenez-vous, c'était déjà une participation dans l'Eurovision, ce concours de chansons. Voilà, donc elle chante très très bien. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était au mois de mars, elle a sorti un album et c'est extraordinaire. Ça suivra ensuite Duran Duran. Je vous dis à très très bientôt, en fait, à vendredi prochain. Passez un excellent week-end. Faites que vous voulez, voilà, tout simplement. Écoutez-vous, occupez-vous de vous, restez en bonne santé surtout. À vendredi prochain pour une autre émission LDT. À très bientôt. Amusez-vous bien. N'oubliez pas, c'est Jean Flies, soyez heureux. Despentear um bocadinho, amarrotar-te a camisa engomada. Se não for eu, espalhar as brasas todas. Tu não mexes uma palha. Tu aí tal é amanhã para acordar tão cedo. E o que será que o prédio todo vai pensar se eu gemo? Pois tu. Vacilas, tu receias, tu refilas e esperneias. Tu para isto não tens jeitinho nenhum. Tu agora tens uma razão para me culpar, eu sei. Mas quem é que vai dar lençóis da cama para levar à mãe? Tu és podes, enfureces, mas bocejas e adormeces. Tu para isto não tens jeitinho nenhum. Um bocadinho, amarrotar-te a camisa engomada. Se não for eu a espalhar as brasas todas, tu não mexes uma palha. E sou eu que te tiro para trás. Ganha tua cama de chás. E muito embora queres ter tudo no seu lugar. like a radio tune. I swear I've heard before. Yeah. Is it something real or the magic I'm feeling off your finger? onde vivia Mariquinhas. Mas está tudo tão mudado que não vi em nenhum lado estas janelas que tinham tabuinhas. Do resto, chão ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde havia as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que é alegrinhas. Mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas. Quando em noites de guitarra e de barra dava alegre a Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chita às pintinhas perderam de tudo a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega esta desgraça, toda a graça da casa da Mariquinhas. Da casa o que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alaminhas. Pois ser casa de penhor, o que foi viveiro de amor, é ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações de calor e das saudades do gosto eu vou procurar esquecer numas ginginhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia Mariquinhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia Mariquinhas. Ooh. take me over to that other side. Ooh. tamanho. São rosas, são lindas rosas, e Deus bem sabe, são rosas para mim. Não há dia que não passe perto dela, caminho já conhece meu andar. Junto ao seu retrato acendo uma vela, depois deixo as flores mais belas que criei para lhe levar. E à noitinha a chorar regresso a casa, para voltar de madrugada com o ramo para lhe dar. São rosas, está presente em minha dor. Não me esqueço da mulher que me deu vida, minha santa mãe querida, meu eterno e grande amor. E é por isso que mantenho perfumada sua última morada com a mais bonita flor. São fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé.

quero ver. Eu sofri tanto com teu querer. Mentirosa, mentirosa, não venhas mais, nunca mais. Abre os braços, mentira. Quando me dizias que tu me amavas, que tu me amavas, mentira. Com os beijos falsos que tu me davas, que tu me nem que a vaca tussa, nem que a porca tussa honrado. pensar, hoje eu não paro. Preciso dar um fim na solidão. Eu hoje vou acabar com esta dor. Já me cansei de ver chorar meu coração. Nem que a barca torça, nem que a porta torça o rabo. Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro. Nem que a barca torça, nem que a porta torça o rabo. Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro. Há muita gente por aí atrás de alguém. De uma aventura, de um amor, uma paixão. Já não tem graça esta vida sem ninguém. Chega de choro, chega de lamentação. Nem que a barca torça, nem que a porta torça o rabo. Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro. Nem que a barca torça, nem que a porta torça o rabo. Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro. Nem que a barca torça, nem que a porta torça o rabo. Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro. Nem que a vaca tussa, nem que a porca torça o rabo. Eu vou dançar, eu vou gozar, hoje eu não paro. Oh, la la, é que é meu coração.